Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes le 29 novembre 2022 et c'est l'épisode 299. Je me rends compte qu'il y a beaucoup trop de 2 et de 9 dans cette introduction. Bref, c'est en Chine que se concentre cette semaine le show de l'actualité. La stratégie dite du zéro Covid mise en œuvre par le gouvernement chinois est particulièrement restrictive et illustre bien ce qui peut être représentatif depuis l'Occident où nous sommes d'une politique de mainmise sur les libertés de la population. On va vous parler de ça et puis évidemment des conséquences dans le monde de la tech jusque dans les productions de l'iPhone 14, sonnez-vous bien, hein, qui va en souffrir. Ils vont perdre gros a priori Apple sur ce sujet. Et pendant qu'on est en Chine, on va parler un peu aussi du score social. Vous savez, on en avait déjà parlé dans le passé, cette note dont on savait finalement peu de choses jusque-là. Nous avons également la suite du feuilleton du moment avec Elon Musk à la tête de ce qui reste de Twitter et qui fait maintenant entrer Apple dans le ring. Il a découvert qu'Apple prélevait 30% dans les achats in-app sur l'iPhone et donc 30% des 8$ de sa nouvelle formule. Et il s'est aussi rendu compte que la firme à la pomme a tout simplement suspendu ses investissements publicitaires sur Twitter. Ça fait un trou dans la caisse. Et puis, pour continuer à parler un peu de crypto-monnaie, on va revenir brièvement sur la faillite de FTX, dont on a parlé dans les derniers épisodes. Amazon serait même en train de travailler sur une mini-série dédiée à ce crash spectaculaire. On parlera également dans cet épisode d'intelligence artificielle avec des robots chiens qui gagnent en autonomie, avec encore et toujours des myriages, ces algorithmes d'intelligence artificielle qui transforment nos instructions texte en images, et puis même une petite rubrique « jeux vidéo ». Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste et je retrouve le responsable du conducteur de cet épisode qui a écrit pour cette fois les notes mais sans chanson. C'est Guillaume Pogdiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Écoute, ça va, on n'est pas toujours d'humeur musicale. Qu'est-ce que tu veux que je dise ? Effectivement, mais c'est ça qui est bien, c'est quand c'est pas systématique et qu'il y a les petits clins d'œil. Donc pour ceux qui ne l'ont pas compris, et je sais qu'une partie d'entre vous l'ont bien identifié maintenant, la façon dont sont rédigées les notes des épisodes par Guillaume Pogdiaspala, il y a des petites articulations, des petits clins d'œil, des petites références. Si vous arrivez à les trouver, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Ça fait évidemment toujours très très plaisir quand vous prenez le temps de consulter cela. Vous le savez, hein, de toute façon, tous les articles qui servent un petit peu d'appui au contenu qu'on relaie dans le podcast servent quelque part à constituer cette revue de presse qui est faite chaque semaine. Donc tous les liens sont dispo dans les notes de l'épisode et sur techcafé.fr dans les articles qui accompagnent les épisodes, qui sont évidemment les bienvenus pour recueillir vos commentaires. Un petit mot autour de la communauté Tech Café pour citer des personnes qui ont rejoint la plateforme de financement participatif Patreon pour soutenir Tech Café. Il y a Chilo, Fabien Fichot et Sébastien Dom à qui on va faire des gros bisous tout simplement, des gros coucous. Ils soutiennent notre travail dans la production de Tech Café en nous versant quelques euros chaque mois grâce à la plateforme Patreon. C'est probablement un des moyens les plus sains de nous aider à continuer et à faire vivre le podcast encore très longtemps, on l'espère. En échange, ils profitent de contreparties plutôt cool comme le flux privé du podcast qui leur permet d'écouter les épisodes sans la pub, de profiter du chapitrage des épisodes et même des épisodes supplémentaires de Tech Café en avance. Ils sont généralement disponibles pour tous le week-end, mais les soutiens Patreon peuvent l'écouter plusieurs jours à l'avance. Si vous voulez faire comme eux et profiter de ces avantages, rendez-vous sur patreon.com/techcafé. Je le rappelle, hein, parfois on me dit que c'est pas très très clair le nom Patreon. Alors ça s'écrit P-A-T-R-E-O-N. Et puis, deuxième volet d'interaction. Oula, j'ai fait tomber une petite épingle. Excusez-moi. Deuxième volet d'interaction avec la communauté, c'est Brouette Prononc qui a déposé un avis sur Podcast Addict le 27 octobre 2022 et qui a dit « Merci pour cet excellent podcast, toujours agréable à l'écoute. Votre complémentarité... » Ah, tiens-toi bien. T'es assis, Guillaume ? T'es prêt ? « Votre complémentarité est parfaite. À quand un tech café rétro années 70 ou 80 ou traiter un sujet fun comme la bataille du siècle dernier, calculateur analogique électronique versus numérique. Et oui, c'est un avis qui est retiré d'octobre parce que du coup, depuis en novembre, ce sujet a été traité. Vous avez un épisode dédié que vous a rédigé et concocté Guillaume Pogdiaspala où on a parlé des premiers calculateurs qui n'étaient pas pas forcément électrique et qui était plutôt mécanique. Un épisode très steampunk, très très cool. Donc évidemment, merci de continuer à nous faire vos suggestions et vos retours au travers de vos avis. Et puis je vous invite, si vous voulez toujours plus d'échanges, à déposer, à nous rejoindre sur Discord. Il y a un serveur Discord pour Tech Café et on discute de plein de choses, pas que de tech, pas que de podcast, de plein d'autres choses. On est évidemment ravis de vous voir nous y retrouver. Un dernier clin d'œil pour dire, comme vous l'avez entendu et comme vous êtes forcément très attentif, c'est l'épisode 299. Qu'est-ce qui vient après 299 ? C'est 300. Et pour un épisode 300, ce qui est parti pour être fait, c'est un épisode finalement assez classique dans son contenu, parce que vous aimez bien Tech Café. On ne va pas vous priver des contenus hebdomadaires habituels que vous aimez bien, mais on va rajouter quelques témoignages, quelques capsules de personnes qui vont évoquer ce que représente un petit peu Tech Café pour eux, qu'est-ce que ça leur apporte, comment est-ce qu'ils aiment l'écouter. Si vous avez envie de participer, évidemment, vous êtes les bienvenus. Envoyez-nous vos petits segments audio. Pour faciliter encore un peu plus les choses, si vous n'avez pas trouvé des moyens de le faire, je vous propose un moyen super simple. Vous pouvez aller sur... Alors, j'avais un petit podcast perso façon blog audio qui s'appelait La Voix de Guillaume, qui était hébergé sur Encore. Et Encore, c'est un hébergeur de podcast gratuit qui appartient à Spotify pour le petit clin d'œil, mais qui permet de laisser des messages audio de 1 minute maximum via votre navigateur, via votre smartphone, sans application. Il vous suffit d'aller sur... Alors, tenez-vous bien... encore.fm/Guillaume Vendée/message. Mais évidemment, vous l'avez compris, le lien sera dans les notes de l'épisode. Et vous pouvez laisser un petit segment audio de 1 minute maximum pour répondre à cet appel à participation. Ce sera un grand plaisir d'écouter tous vos témoignages et tous vos retours sur Tech Café. Merci beaucoup pour votre contribution. Guillaume, ce qui t'a inspiré dans ta veille cette semaine, c'est ce qui se passe en Chine. Il faut dire que ça fait quand même le lourd de l'actualité à l'international, hein, un peu sur le plan même sociétal quelque part. Et effectivement, ça a des impacts directs dans le monde de la tech. Il y a au cœur de la Chine cette politique dite de zéro Covid qui vise ni plus ni moins à faire en sorte qu'il y ait, comme son nom l'indique, qu'il n'y ait pas de cas de Covid, que quand il y en a un, tout s'arrête, les gens restent sur place, ils rentrent même pas chez eux, pas de circulation. En gros, c'est un petit peu ce qui se passe en Chine qui concentre un petit peu l'actualité, Guillaume. Ouais, ça compte. Oh là Ah, j'ai désarçonné. La Chine, c'est sûr quand même. Hein. La Chine a une poussée de fièvre un petit peu à cause de cette politique zéro Covid, donc c'est un petit peu, on comble d'ailleurs, si on y réfléchit. Donc ça fait un moment qu'on s'en montait la grogne face à des restrictions que d'aucuns trouvent souvent exagérées. Il y a des tests PCR constants, des confinements systématiques et dans des circonstances qui sont parfois étonnantes, hein, comme dans un parc d'attraction. Tu as vu cette idée ? Tu as vu ce truc dans le parc d'attraction là, c'était assez marrant. Non, j'ai pas vu. Qu'est-ce qui s'est passé avec le parc d'attraction ? À un moment, il y a un cas Covid dans un parc d'attraction, ils ont fermé le parc d'attraction et les gens sont restés dedans. Donc c'est vrai que... Ah, ça va encore plus loin que ce que je pensais, c'est-à-dire que t'es en plein Space Mountain, qu'à Covid, crac, tu restes dans Space Mountain pendant quelques jours, quoi. Bon, c'est presque ça, c'est presque ça. Alors, pas dans Space Mountain, mais dans le parc, quoi. Et donc, voilà, en tout cas, tu restes là où tu es, quoi, point final. Donc, il y avait déjà eu des protestations plutôt isolées de gens un peu désespérés, hein, qui pouvaient plus rien faire, alors que, voilà, ils avaient pas un rond, alors ils avaient pas de bouffe, alors ils avaient des parents dépendants, c'était compliqué. Et la semaine dernière, c'est monté d'un cran avec des manifestations très importantes un peu dans tout le pays, surtout dimanche, en fait, ça a commencé vraiment dimanche, suite à un incendie dans un immeuble d'Urumqi, dans le Xinjiang, et ça a fait 10 morts, ça. Et en fait, les mesures anti-Covid ont ralenti les pompiers qui sont arrivés trop tard, du coup, et la colère a explosé. Donc depuis, il y a des manifs qui ont pris un peu de l'ampleur dans tout le pays, sur des douzaines de campus, de Shanghai à Pékin, et bon, donc dimanche, les sujets de protestation débordaient vraiment complètement de la politique zéro Covid, en fait. Hein. Il y avait beaucoup de manifestants qui portaient des feuilles A4 blanches, sans rien écrit dessus, justement pour symboliser la censure du pays, et ça c'est, ils se sont évidemment, ça s'est retrouvé sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens ont suivi ça, alors bien entendu les autorités se sont empressées de les purger ces réseaux, mais bon, c'est vite, voilà. Donc c'est des manifestations qui sont peut-être les plus importantes depuis 89 quand même, hein, et elles s'attaquent souvent le pouvoir directement, en fait. On a entendu des appels à la démission de Xi Jinping, des appels anti-parti communiste, pour plus de liberté, voilà, et certains dénoncent même aux médias occidentaux qu'il n'y a, je cite, qu'une seule maladie dans le monde, le manque de liberté et la pauvreauté. Bon, ok, je sais, ça fait deux trucs. Oui, ça fait deux trucs. Très peu de chances que ça aboutisse, mais... Ouais, c'est vrai qu'il y a peu de chances que ça aboutisse, mais le simple fait que j'ai pu lire ça dans les médias est quand même frappant, c'est sans précédent, tu vois. C'est vrai. Ouais, t'as l'histoire récente. C'est pas comme... on a l'impression parfois qu'il y a zéro manifestation en Chine, c'est pas le cas, il y en a de temps en temps, mais effectivement, t'as raison, c'est l'ampleur du mouvement qui est à la hauteur de ce qui se passe en 89, quoi. A dit depuis, enfin, genre, qui a dit Xi Jinping, c'est Xi Jinping démission, enfin, je veux dire, tu vois, on n'est pas en France, quoi. Donc voilà, bon, bien sûr, il y a d'ailleurs avec la police et les manifestants, il y a énormément de photos, de vidéos qui ont été retirées, mais tout ça s'est passé finalement si vite et si brutalement que la censure n'a pas pu suivre. Et finalement, il y a beaucoup de gens qui ont tout vu sur Internet. Il y a même eu des rassemblements à Hong Kong et à Wuhan, d'ailleurs. Donc même le quotidien du peuple a publié un article qui mettait en garde contre la paralysie et la lassitude du peuple. Alors, le Parti communiste a clairement sous-estimé la colère de la population, hein. Et voilà, la population, elle est un petit peu à son point d'ébullition, là, tu vois. Et donc, c'est dans ce contexte, finalement, que sont arrivés les gros soucis chez Foxconn, sur son campus à Chengdu, qu'on appelle aussi affectueusement iPhone City. Parce que oui, c'est là qu'on Foxconn produit, qui fabrique effectivement l'iPhone. En bonne partie, et iPhone City, c'est un des plus gros, c'est les plus grosses usines de production de Chine. Encore une fois, à cause d'un confinement Covid, hein, et donc suite à un des cas dans une usine, Foxconn avait durci ses règles de circulation fermées, et puis donc un circuit fermé, puis fermé des cantines aussi. Donc rapidement, les ouvriers ont eu peur d'être tout simplement faits prisonniers, hein, dans l'usine, sans bouffe et sans médoc. Donc il y a des milliers qui ont choisi de se casser, et bon, voilà, du coup, évidemment, ils ont laissé les chaînes incapables de produire nos précieux téléphones. Ça va pas du tout. Donc Foxconn a choisi de leur donner un bonus un petit peu dérisoire a priori, puis comme donner des cacahuètes ça marchait pas, il a décuplé la mise. Le problème c'est que suite à un souci technique, comme ils disent, le bonus a pas été versé, et là les ouvriers se sont alors mis en colère. C'est devenu violent, il y a eu des clashs vraiment sérieux avec la police, et finalement Foxconn a acheté la paix sociale avec une grosse indemnité de départ, et se retrouve avec plus de 200 000 ouvriers manquants. Donc pour 20 000, pardon, plus de 20 000 ouvriers manquants. Donc pour l'instant il y aurait eu une production de 30% en baisse sur le mois de novembre. Or, ça arrange pas trop Apple, qui a donné le chiffre de 1 milliard de pertes de chiffre d'affaires sur les ventes d'iPhone chaque semaine de blocage. C'est beaucoup. Oui, bien sûr. Les iPhones, surtout que les iPhones fabriqués en novembre, ce sont ceux qui se retrouvent sur les étals à Noël. Donc, c'est la saison, évidemment, qu'il ne faut pas rater. Donc, Apple s'attend déjà à un gros coup dans ses résultats financiers du prochain trimestre. Et au-delà de cette perspective tragique pour Wall Street, hein, qui fait saigner mon petit cœur de trader, cet événement va quand même pousser Apple et Foxconn à accélérer le développement de capacités de production hors de Chine. Donc Apple produit déjà un petit peu en Inde et au Vietnam, via des usines Foxconn aussi, mais là-bas. La production indienne, c'est 4% pour le moment, mais ça devrait augmenter de 150% l'an prochain pour arriver à terme vers 40% de la production totale. Et ça change pas mal la donne. Parce que peu à peu, l'Inde et bon, les autres pays un petit peu autour pourraient prendre le relais de la Chine comme usine du monde. Autant pour des raisons géopolitiques, hein, comme la pression sur Taïwan, les problèmes avec les États-Unis, que peut-être aussi pour des raisons de politique intérieure chinoise, de niveau de vie dans le pays, parce que y a un gros souci actuellement avec la politique zéro Covid, qui est clairement refusée par la population. Mais bon, Xi Jinping s'est énormément impliqué avec ce truc. Le zéro Covid, c'est lui, et politiquement, ça va être très très difficile de faire marche arrière, quoi. Donc on va voir ce que ça donne. Tu sais que ça va loin, cette politique de zéro Covid. J'ai vu passer, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une Coupe du Monde au Qatar, vous regardez peut-être pas les matchs, mais enfin, il y a quand même cet événement-là. Et j'ai vu passer des personnes qui font des analyses de la manière dont sont diffusées les images, les retransmissions des matchs de la Coupe du Monde en Chine. Et c'est assez marquant de voir que y a la censure qui s'opère, y compris dans la restitution des matchs. Quand il y a les joueurs qui sont sur le terrain, qui jouent, tout va bien. Quand il y a des buts, très bien, on voit, tu vois, par exemple, pour l'équipe de France, on voit Didier Deschamps qui dit « Ouais, c'est bien, vous avez bien joué, faites comme ci, faites comme ça, vous allez marquer d'autres buts. » Vous voyez à quel point je suis un expert du foot. Mais tous les plans où on voit les liesses de spectateurs d'un peu trop près, qui se rapprochent les uns des autres sans masque, sont censurés. C'est assez dingue de s'imaginer que ça va jusque-là, parce que finalement, dans la mise en œuvre, ça doit être extrêmement coûteux, quoi. Ils doivent être très très bien organisés en Chine, hein, sur la censure. Non, mais purement politique. C'est purement politique. Hein, le vaccin, le vaccin chinois marche pas très bien. Ils vaccinent pas ou très peu. Ah. Ça, parce que ça marcherait pas super, enfin, ce serait sans doute pas suffisant, et du coup, s'ils voulaient faire comme nous, en fait, s'ils voulaient limiter les problèmes, il faudrait qu'ils achètent du vaccin à l'étranger, ce qui serait un camouflet. Et il y a une politique zéro Covid qui a été maintenue par Xi Jinping. Alors, au début, peut-être ça c'était une bonne idée, mais là, ça commence à devenir vraiment très très lourd, et si ça commence à peser sur l'économie du pays, en plus de la vie quotidienne et tout, c'est clair que ça va poser des soucis politiquement, quoi, au niveau de l'agitation sociale et tout. Et bah, c'est pareil, hein, tu sais, dans ce genre de pays, enfin, je veux dire, le leader, il a intérêt à être un petit peu, tu vois, enfin, il se vit comme étant un peu infaillible, quoi. Donc, dire non, finalement, on arrête, tout ça, c'est des conneries, c'est très compliqué. Ouais. Bon, je j'imagine que ça va, qu'ils vont retrouver leur repère de toute façon là-dedans. Mais puis oui, tu parles de vaccins au passage. C'est vrai que c'est pas la même chose quand tu parles de vacciner quelques dizaines de millions de personnes. Là-bas, il y a une population. Ils sont quoi ? C'est un milliard et demi, je crois, non, les Chinois. Enfin bon, quand tu dois vacciner une population chinoise, ça doit être costaud aussi en organisation. Enfin bon, ils savent gérer un pays dans des grandes dimensions comme celui-ci. Au passage, pendant qu'on est en Chine, forcément, nos regards se tournent un petit peu aussi sur des enjeux géopolitiques très proches, et évidemment qui ont des liens avec la tech, Guillaume. C'est notamment Taïwan et tout ce qui tourne autour de, des processeurs, justement, de la production des processeurs. Et oui, Taïwan, encore un sujet compliqué. En juin dernier, d'ailleurs, un sondage de l'Academia Sinica, qui est l'équivalent taïwanais du CNRS, affirmait que 73% des habitants se disaient prêts à se défendre contre la Chine. Et 35% seraient même très déterminés. Alors qu'en octobre, Xi Jinping affirmait encore qu'il n'écartait absolument pas le recours à la force pour supprimer les indépendantistes. Mmh. Et il considère que la tâche de réunifier la Chine comme un devoir historique auquel il ne renoncera jamais. Bon. Bon, la majorité des Taïwanais, enfin surtout les jeunes Taïwanais, hein, n'ont aucune envie de revenir dans la mère patrie par contre, hein, parce qu'il faudrait donc du coup les rééduquer, tu sais, les rééduquer à la chinoise, hein, rééduquer 14 millions de personnes, ça fait quand même pas mal si la Chine attaque. Et il y a des faucons chinois, hein, comme on en a aux États-Unis, il y a des faucons chinois qui préconisent d'attaquer Taïwan bientôt, quoi. Il y a un plan d'attaque qui circule déjà, qui d'ailleurs il est assez détaillé et crédible. Est-ce qu'il est vrai, est-ce qu'il est faux, je sais pas, est-ce que ça veut dire quelque chose, bon, là, c'est pas clair. Ce qui est assez probable, par contre, c'est que la croissance économique chinoise, elle va ralentir. Elle ralentit déjà, et dans les années à venir, c'est possible que ça continue à ralentir. Il y a quand même une énorme crise de l'immobilier aussi, en Chine, qui empire les choses. Et tout ça, si la croissance ralentit, si l'économie ralentit, ça peut empirer encore l'impopularité de Xi Jinping, qui a déjà un certain souci d'image, quoi, on l'a vu. Hein. Décidément, tu lui refais un portrait dans cet épisode. Et oui, mais le problème, c'est que quand les autocrates sont en difficulté, la tentation de faire des coups d'éclat militaires à l'extérieur, elle est d'autant plus forte, tu vois ce que je veux dire. Mmh. D'autant que la force militaire chinoise, elle grandit chaque année, alors que les capacités de l'OTAN dans le Pacifique, on ne sait pas vraiment si elles seraient à la hauteur, surtout qu'il y a quand même des événements à l'est de l'Europe qui occupent un petit peu les moyens américains. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il en sera d'ici 5 ans ? C'est pas évident. En 2024, Taïwan et les États-Unis vont avoir des élections présidentielles, hein, de la même année. Donc, c'est une fenêtre d'opportunité. Alors, il y a David Cohen de la CIA qui a révélé que Ping aurait ordonné à son armée de se tenir prête pour une invasion en 2027. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle aura lieu, mais ça veut dire que le président va être quasi sûr de pouvoir le faire s'il en a envie. Bon, en tout cas, tout ça, les manœuvres chinoises autour de Taïwan, ça suscite clairement aussi une inquiétude. Et de toute façon, ils ne doivent même pas attendre 2027. Je veux dire, ils ont des plans dans toutes les situations. S'ils doivent appuyer sur le bouton en 2023, ils ont des solutions. Enfin, j'imagine oui, sans aucun doute. Mais disons que là, c'est vraiment pour avoir les capacités militaires spécifiques pour, en vue d'une opération sur Taïwan, avec les spécificités de Taïwan. Hein, y a beaucoup de montagnes et tout. Enfin, bon, il y a des spécificités, quoi. Je pense aussi que communiquer sur ce genre d'intention, c'est aussi mettre une forme de pression à l'international sur des échéances, tu vois, sur une stratégie. Bon, bref, pardon. Enfin, on fait pas une analyse. En tous les cas, Taïwan, donc, ça abrite TSMC, quand même, est le plus gros producteur de puces électroniques du monde. Et donc, le secteur de la tech est lui aussi inquiet, en fait, par ricochet. C'est quoi, c'est la moitié, peut-être, non, chez TSMC ? Ils produisent combien ? Non, pas la moitié ? Ils produisent une grosse proportion, mais surtout ils produisent les puces les plus sophistiquées du monde. C'est ça le souci, c'est qu'ils sont au top en fait. C'est eux qui produisent les puces les plus rapides et les plus miniaturisées du monde. Et du coup, le secteur de la tech est inquiet parce que voilà, c'est quand même un acteur mais ultra majeur, c'est le numéro 1, et il est à Taïwan. Donc ça s'est vu un petit peu cette semaine peut-être, parce que quand le Korea Economic Daily a révélé que Nvidia, Qualcomm, IBM et Baidu étaient désormais clients de Samsung pour son process 3 nanomètres à partir de 2024. Donc Samsung, Intel et TSMC, en fait, c'est les trois plus gros producteurs de puces, et surtout, c'est les seuls fondeurs qui sont encore en course pour les process les plus évolués. Voilà, vraiment le top niveau qu'on trouve dans les tout derniers gadgets, les tout derniers serveurs, les tout derniers ordinateurs. Donc le 3 nanomètres de TSMC, il a été sécurisé par Apple pour 2023. Apple et TSMC Grosse histoire d'amour, hein. Ils sont quasi partenaires hein, depuis un moment maintenant. Hein. Les premiers, donc Apple signe des contrats astronomiques et des chèques de fou furieux pour avoir l'exclu temporaire sur les toutes dernières chaînes de fabrication. Donc, en retour, il essuie aussi les plâtres. Hein. Donc le fondeur raffine un peu ses processus, avant une production à encore plus grande échelle. Et d'ailleurs, il est probable qu'AMD soit sur les rangs pour 2024. Et donc Samsung, lui, est en concurrence directe avec TSMC, et Intel le deviendra bientôt, enfin en tout cas, on espère pour lui. Par contre, ce qu'on a vu la dernière génération, c'est que TSMC est un petit peu meilleur que Samsung, en termes de consommation, en termes de performance par watt. Mmh. Et dernièrement, on a appris que les rendements de ce fameux 3 nanomètres chez Samsung étaient très faibles, et assez peu compatibles avec les volumes de production pour des clients comme Nvidia ou Qualcomm qui équipe une grosse proportion des smartphones du monde, quoi. Difficile de croire qu'ils pourraient suivre alors, du coup. Pour l'instant, c'est vrai que c'est pas évident, on va dire. Donc, du coup, d'ici 2024, il y a le temps d'améliorer les choses. Mais tout de même, c'est un choix qui est pas si évident, qui va pas de soi. Mmh. Et on sent plutôt une volonté politique d'avoir des solutions autres que TSMC pour limiter sa dépendance à Taïwan avec tout ce que ça implique, quoi. Ouais, c'est jamais bon, de toute façon, d'avoir une concentration sur un fournisseur de ce type-là. Oui, enfin, ça les dérangeait pas jusqu'à présent. Mais bon, oui, bien sûr. Mais bon, il vaut mieux prévoir l'avenir, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bah, explicitement, c'est ce que dit un employé d'une des firmes, mais bon, sous couvert d'anonymat. Donc, bon, voilà. Ça vaut ce que ça vaut. En tout cas, les tensions géopolitiques auront un impact sur les produits finaux aussi, parce que, comme c'est probable, les deux solutions 3 nanomètres de Samsung et TSMC ne seront pas totalement équivalentes. Donc, qui sera le meilleur, ça, je sais pas, pour l'instant, j'en sais rien. Mais ça aura sans aucun doute un impact sur les produits finaux. Bon, ça concentre beaucoup de l'actualité, comme on le disait, c'est sûr. Et du coup, on va pouvoir en profiter un petit peu parce que tu t'es penché sur des restitutions autour de ce fameux score social. On en parle à nouveau. Alors, on en a déjà parlé dans le passé. L'idée, c'est dans notre vision d'occidental un peu éloignée, mais d'avoir différents barèmes et d'évaluer de 1 à 5 étoiles ou de 1 à 10 différents items pour chacune des personnes qui habitent la Chine pour peut-être les autoriser plus ou moins facilement à accéder au crédit. Mais tout cela est finalement assez flou et tu voulais revenir un petit peu sur ce sujet, Guillaume. Bah, ça fait depuis 2014, t'as raison, qu'on mentionne plusieurs fois le score social ou le crédit social en Chine, souvent sous l'angle dystopique quand même. Exactement, un peu Black Mirror. Quoi. Exactement, alors comme c'est en Chine, la barrière de la langue et puis la barrière du régime aussi, hein, fait que parfois on ne saisit pas forcément en Occident les détails, les subtilités de ce qui se fait là-bas. C'est quand même un grand pays en plus, avec beaucoup de complexité, beaucoup de régions différentes, il y a beaucoup de trucs qui nous échappent, hein, tout simplement. Alors, moi-même, j'étais persuadé qu'il y avait actuellement en Chine un score numérique, donc attribué à chaque personne et géré par un système central, système d'État, qui recoupait toutes sortes d'infos sur chaque personne, à peu près tout, hein. Tous les faits et gestes d'ailleurs qu'on pouvait utiliser pour me punir, voilà, ou quantifier ma bonne affiliation au régime. J'imagine et que ton score social en Chine serait peut-être pas si élevé que ça, toi, Guillaume. Alors moi, mon score social, je veux pas imaginer ce qui est. Si on avait un score social, je préférais pas. Mais bon, bref, en fait, il s'avère que c'est pas exactement ça, voire pas du tout. En vrai, jusqu'à présent, le pouvoir central n'avait même pas formalisé de loi précise sur le score social. Le 14 novembre dernier, en fait, il venait à peine de publier un projet de loi sur ce système de crédit social. Et donc, c'était l'occasion pour Ziyi Yang de préciser un petit peu les choses dans un article du MIT Tech Review. Donc, déjà en Chine, il existe un système de score financier pour le crédit comme en Occident, et il est séparé du score social qui est implémenté sur une base locale, en fait, pour l'instant. Donc, en fait, il existe plusieurs versions de score social, selon les régions de Chine, selon les villes aussi, avec des règles qui changent de l'une à l'autre. En règle générale... Oui, non, bah, parce c'est comme tu le disais, on a une vision comme ça de la Chine, point. Bah, évidemment, c'est extrêmement réducteur, parce qu'il y a beaucoup de régions et des nuances à apporter là-dedans, même si... Voilà, c'est ça. Et en fait, et voilà, il y a plusieurs versions. En règle générale, l'idée de base, hein, c'est de lutter contre la corruption et le crime aussi. Donc, les arnaques en tout genre, la fraude fiscale, la pollution, le plagiat, la contrefaçon, plein de choses. Et bien sûr, voilà, la corruption. Le score social, donc, il est censé représenter un indice de confiance, tout simplement, non seulement pour les individus, mais aussi pour les entreprises et même pour les institutions. L'objectif, c'est aussi de lutter contre la fraude et la corruption dans les administrations, parce qu'elle n'est pas plus rare là qu'ailleurs, en fait. Donc les gouvernements locaux mélangent parfois le score pour le crédit financier, on va dire, et le score social. Et parfois, c'est pas le cas. À l'échelon national, les deux scores sont séparés. le pays avait le même avait le projet d'avoir une gestion centralisée de ce score-là, effectivement, dès 2014, et ça devait être fini pour 2020, et là, ben, ça commencera au mieux qu'en 2023. Bon, quiconque a déjà essayé de faire des travaux dans sa maison trouvera sans doute réconfortant que même en Chine, on puisse avoir des retards de 4 ou 5 ans sur ses projets. Tu vois, on se sent un petit peu moins seul. C'est sûr. Mais bon, bref, s'il existe plus ou moins une gestion centralisée du score pour les crédits bancaires qui est analogue à ce qu'on trouve ailleurs finalement, pour le score social, c'est encore le bazar. Et comme c'est le bazar et que chaque région se débrouille un peu comme elle veut, il n'y a pas de fichiers centralisés et du coup, il n'y a pas d'algorithme centralisé, il n'y a surtout pas d'IA qui contrôle un petit peu tout le monde au niveau national. Il y a un système qui se focalise sur les entreprises, qui s'appelle Credit China, et qui est consultable sur Internet, voilà, c'est un site partout chinois, quoi. Il regroupe une cascade de fichiers, de données sur chaque boîte, un peu n'importe quoi, les impôts, des impôts, fichiers de police, un petit peu tout ce qui le concerne, quoi, hein, ça regroupe un petit peu tout ça. Il y a aussi des institutions, d'ailleurs, dessus, et quelques personnalités, mais il n'y a rien de super bien organisé. Le gouvernement central ne calcule pas un score précis pour chacun, en fait, hein. Les régions ont du mal aussi à le faire, parce que ben, c'est pas si simple, et souvent, c'est fait en mode très low-tech. Par exemple, les scores sociaux... Il y a des scores sociaux qui sont calculés et qui ont des conséquences limite sur la vie des gens qui ont été en expérimentation dans des villes ou des départements, puisqu'elles ont le champ libre en fait, pour essayer des trucs. Ben, il y a des trucs comme à Rongcheng, par exemple, où tes bonnes ou mauvaises actions étaient effectivement recensées dans certaines villes pour donner un score numérique. Et dans ce genre de cas, ben, c'est parfois fait de manière artisanale, en fait, parce que et parfois, c'est des employés municipaux qui passent en ville et qui notent le stylo billet sur du papier, ce qu'ils entendent. Ah oui, quoi. Je disais tableau Excel, mais même pas. voilà, ça va du tableau Excel au tableau pas Excel, en fait. C'est des initiatives qui sont en général pas mis même pas mises en œuvre au niveau de la province. C'est parce que c'est quand même un boulot énorme, en fait. Tu dois scanner toutes les bonnes ou mauvaises actions de tout le monde. Donc, ça en fait des conneries à écrire. Je veux dire, ah, il a aidé mamie. Non, parce que des fois, c'est vrai que ça va assez loin dans le détail. Donc, voilà, ça peut être compliqué, surtout avec des calepins. Sachant que, voilà, dire du mal de ton voisin à tort ou ce genre de conneries, ça peut rentrer dans le truc et même sur les réseaux sociaux ou pas dans les réseaux sociaux. Enfin bon. Donc, en gros, à mettre en place, c'est un peu bordélique. Mais c'est vrai que l'exemple de Rongcheng, il est passé dans les médias occidentaux. Et donc, effectivement, quand on l'a vu, on a tous été surpris. Et ça, du coup, ça a beaucoup fait pour l'image du score social chinois qu'on a, qu'on voit de manière un petit peu flatteuse, entre guillemets. Tu vois, parce que je suis sûr que le gouvernement aimerait beaucoup tout savoir sur tout le monde, tout le temps, et résumer tout ça avec un nombre. Tu vois, ça, je pense qu'il adorerait ça. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Les systèmes dont on parle n'existent pas, et ceux qui existent sont souvent assez low-tech, en fait. Donc, est-ce que ça va évoluer à l'avenir et devenir, finalement, l'image qu'on en a? C'est possible. Mais il y a beaucoup de travail pour y arriver. Et si on regarde les positions que le gouvernement a prises par le passé, quand il a rappelé à l'ordre à certaines villes ou régions qui étaient parties un petit peu en vrac, il est vraisemblable que seules les infractions à la loi ne puissent faire baisser ton score social, peut-être au futur score social. Donc, en gros... Pour l'instant, l'idée, c'est que le score social n'irait pas au-delà de la loi. Bon, après, ça ne veut pas dire qu'on est forcément tranquille et que ça ira toujours super bien, hein, c'est pas ça, parce que bon, finalement, les lois, ça se fait, ça se défait, et puis il peut y avoir des lois injustes, hein, tout simplement. En Russie, on risque bien la prison pour appeler un chat, hein, manifestement. Bon. Donc, voilà, dans un score social ultra-technologique, il pourrait être effectivement totalement dystopique, mais pour l'instant, ce score social ultra-technologique n'existe pas encore complètement. Qu'il n'y a plus qu'à espérer qu'il n'existe jamais, quoi. Ouais, difficile à mettre en œuvre, encore une fois, quand on va au-delà de notre perception un peu éloignée et qu'on essaye de creuser un petit peu dans les détails ce que c'est vraiment, on se rend compte qu'il y a souvent des différences et c'est intéressant de les relever. On va conclure un petit peu avec la Chine parce que peut-être ce qui incarne le plus l'image qu'on peut avoir de la Chine dans nos usages de tous les jours, et quand je dis non, j'inclurai pas Guillaume Podjaspala, c'est peut-être TikTok, peut-être vos enfants utilisent TikTok, peut-être que même vous l'utilisez. J'aime à rappeler que TikTok est évidemment loin d'être la caricature qu'on peut en avoir aussi au niveau du contenu, hein, je parle, parce qu'on avait l'impression qu'avant il n'y avait que des danses rigolotes. Il y a beaucoup de contenu qui est aussi hyper intéressant maintenant que TikTok est envahi de contenus qui sont parfois beaucoup trop légers pour être mentionnés, mais aussi assez intéressants. Bref, on a toujours des interrogations sur la gestion de la donnée au sein du réseau social TikTok, Guillaume. La Commission européenne a lancé des enquêtes sur TikTok, eux aussi, ça y est. Et ça, c'est en lien avec la gestion des données dans le cadre du GDPR. Et c'est pratique aussi sur le suivi publicitaire des mineurs. Donc ça, bon, alors c'est pas la seule boîte qui titille la Commission, évidemment, sur les transferts de données de citoyens européens, dans des dans des contrées lointaines et exotiques. Les Américains ont d'ailleurs les mêmes inquiétudes là-dessus, avec évidemment la couche Chine en plus dans le cas de TikTok. Et les relations entre la Chine et l'Europe sont compliquées aussi, hein, finalement, parce que les États-Unis nous exhortent à couper les ponts au maximum, mais c'est difficile, surtout pour l'Allemagne d'ailleurs. Donc la Chine est parfois vue comme un risque pour la sécurité, hein. Il suffit de voir comment Huawei a été évincé de presque toute l'Europe, sous pression américaine évidemment. Il n'y a plus qu'en Espagne, en Hongrie, en Allemagne qu'il existe encore un peu. Bon, Huawei, il faut quand même se souvenir qu'un temps, il avait des ambitions de suprématie mondiale. Hein. Donc il s'est retranché sur le marché domestique chinois, c'est quand même un revirement très spectaculaire. Et dans le même état d'esprit, bah, les Anglais viennent de décider, par exemple, de retirer les caméras de surveillance chinoises des sites gouvernementaux sensibles. Donc la méfiance est quand même de mise. Donc voilà, TikTok va devoir se mettre encore en quatre pour rassurer, un petit peu comme aux États-Unis d'ailleurs, où il est attaqué de la même manière. Cette fois, c'est de ce côté de l'Atlantique. Après, bon, est-ce qu'on peut vraiment se passer d'un réseau social comme TikTok ? Un réseau social où on peut commencer une incroyable aventure avec un super ragoût pour seulement 4 doubloons. Oui, ça. Il faut que tu nous parles effectivement de cette trend, de cette mode TikTok des Diabloons, alors que j'ai découvert, moi, en prenant connaissance de ce qui se passait dans la Q-Tech, et notamment dans le conducteur de l'épisode, cette folle histoire des Diabloons, Guillaume. Ben, ça te plairait, c'est une sorte de roleplay complètement organique hein, qui s'est architecturé autour de vidéos avec surtout des chats finalement, parce que tout est parti avec le même d'un chat, c'est le chat avec les quatre doigts là, tu sais, le chat qui fait avec la patte écartée là où tu as l'impression qu'il fait quatre doigts et du coup bon bah voilà, c'est il y a eu un mème comme ça où c'était salut mon gars, viens t'asseoir, prends un ragoût. Et voilà, tu pourras commencer ton aventure, mais ça va te coûter 4 doubloons et 4 parce qu'il y a la patte qui fait 4 comme ça. Et bon, c'est resté un peu inaperçu, puis c'est parti sur TikTok, et après, bon, je sais pas, c'est parti en délire, quoi. Les mecs, ils se sont dit, ah bah d'accord, je donne 4 doubloons, c'est pour récupérer des doubloons, ils ont fait d'autres vidéos. D'autres trucs rigolos par exemple, une vidéo où t'as un chat qui te braque tes doubloons. Donc on dit que c'est des vidéos pièges, c'est-à-dire que tu cliques dessus, tu crois que c'est des vidéos qui vont te rapporter des doubloons, c'est en fait des vidéos qui te prennent des doubloons. Et donc il s'est passé un truc rigolo, une sorte de jeu de rôle totalement informel, complètement organique, où les gens gagnaient et perdaient des doubloons, qui n'existent pas évidemment, mais c'est pas grave. Et ça a duré quelques temps, je sais pas si ça dure encore maintenant d'ailleurs, mais voilà, donc des doubloons, ça vient de doublons en plus, c'est les doublons des pirates quoi, ça vient de là, et donc c'était assez marrant, cette espèce de truc très léger, très marrant, et complètement inoffensif, hein, où effectivement t'avais des gens qui cherchaient à choper des doubloons en faisant des vidéos, en regardant des vidéos, et t'avais même à la fin, t'avais des vidéos, comment dire, des espèces de révoltes, tu sais, anti-capitalistes, anti-capitalisme dabloonien. Enfin, c'était très très bizarre. Bon, voilà, c'est le genre de truc assez marrant qui peut naître très rapidement sur TikTok et mourir presque aussi rapidement. Mais voilà, donc les dabloons. Vu leur lutte anti-capitaliste, je me demande s'il y aurait une version d'Antifa d'Abloons. Je ne sais pas si tu as suivi cette histoire autour du jeu. Moi, j'ai vu passer, mais vite fait. J'ai pas creusé. Tout ça intéresserait, j'imagine, Romaric Briand, qui en plus, je le sais, nous écoute et qui écoute peut-être cet épisode en ce moment et qui pourrait nous parler de la manière dont peuvent se générer comme ça d'eux-mêmes des jeux à travers des réseaux sans même l'initiative d'éditeurs, etc. Il y aurait peut-être beaucoup à dire. C'est léger, hein, c'est pas Twitter. Hein. Alors, c'est... Alors, effectivement, c'est plus léger. Mais quoique, parfois on pourrait être surpris. Merci, Guillaume, pour ce voyage en Chine. On va faire un petit voyage retour quand même. Pour nous éloigner un petit peu de ces sujets orientaux et plutôt nous tourner vers des choses qu'on a l'habitude d'aborder ensemble, qui sont notre chronique du moment hein, autour de Twitter racheté par Elon Musk. Alors peut-être en synthèse rapidement, il revoit le fonctionnement des badges de manière un poil plus logique, il y a beaucoup de comptes qui s'inscrivent et il commence à faire la guerre avec Apple, c'est ça Guillaume ? Ouais, alors Twitter est pas toujours est toujours pas officiellement mort, hein, voilà. Mais bon, Elon continue à faire des doigts sans lui-même du passé, puisqu'il a encore décidé via un sondage moisi de faire une amnistie générale cette fois de tous les bannis de Twitter. Donc là, pour Suprême, tu vois, les cas sérieux étudiés, sérieusement, tout ça. Bon, ça va rassurer les régulateurs, je pense. Vous oubliez rien à foutre. Ouais. Ah oui, ça, totalement. Bon, alors cette fois, c'est quand même 72% de votants qui ont choisi de laisser revenir des gens qui ont probablement été bannis pour de bonnes raisons. Mais bon, du moment qu'ils n'ont pas techniquement enfreint la loi, qu'ils n'ont pas été d'atroces spammeurs, c'est OZEF. Enfin, Elon n'aime pas Alex Jones, donc il reviendra sans doute pas. Je ne sais pas si c'est au cas par cas, selon les volontés de Musk. Oh, la tête du client. Peut-être. Bon, alors, c'est pas moi qui vais me plaindre qu'Alex Jones ne revienne pas, mais bon. Cette amnistie va sans doute avoir des répercussions quand même assez énormes, puisque Twitter ne doit plus avoir que 12 modérateurs aux États-Unis, et qu'en plus, bah, c'est une amnistie mondiale, elle concerne tous les pays, et même ceux qui ont probablement plus de modérateurs du tout sur leur sol, hein, j'imagine. Donc voilà qui va probablement rassurer les annonceurs, hein, mais attention, Musk apprend de ses erreurs, on dirait, puisque désormais, effectivement, Twitter va se remettre à vérifier les identités des utilisateurs, à la main, au cas par cas, et même étendre le spectre de couleurs hein, des badges, hein, donc or pour les entreprises, gris pour les institutions, bleu pour les individus. Qui va se charger de ce boulot, étant donné que les couleurs de la boîte doivent ressembler aux rues de Saint-Brieuc un dimanche soir en décembre? Mystère. Mais bon, tout va bien, Twitter, si on en croit les chiffres publiés par le Chief Tweet, eh ben, Twitter aurait enregistré plus de 2 millions d'utilisateurs supplémentaires sur les 7 derniers jours. La durée d'usage de la plateforme sera même en hausse de 30% par rapport à la même période l'an dernier. Et bon, pour ce qui concerne les propos haineux, c'est globalement stable après un pic. Hein, les usurpations d'identité sont revenues à niveau normal. Bon. Donc tout va bien, pas de soucis. Bon, on n'a rien sur les performances financières, hein, cela dit. Mais bon, ça ira, et puis ça ira, c'est tout. De toute façon, c'est vrai, Apple a déjà menacé de suspendre Twitter hein, de l'App Store. Il a retiré pratiquement toutes ses pubs. Il faut dire que, voilà, entre Apple et Elon, c'est un petit peu tendu. Musk a critiqué la commission Apple de 30% d'ailleurs, et Tim Cook a dit qu'il comptait bien que Twitter continue sa modération, sous-entendu au moins au niveau d'avant l'acquisition. T'es pas gagné. Mais Elon, il a pas peur. Il a peur de rien. Si les plateformes comme Google ou Apple commencent à le gonfler avec leurs exigences, eh bien Elon, il va faire son Elon phone. Et puis voilà. Et puis si Amazon ne veut pas le vendre, ben il rachète Amazon, c'est tout. Si le Congrès le gonfle pour monopole, gna gna gna, ben il rachète Washington, et puis c'est tout. C'est tout. Voilà, Elon, c'est comme Chuck Norris, mais avec du pognon. C'est fort, écoute, parfait. En tout cas, pour la publicité, je peux comprendre hein, que les investisseurs soient pas très enclins à diffuser leur pub. En ce moment, ça doit être compliqué. J'ai de plus en plus... Je critiquais un peu les gens qui remontaient ce genre de choses parce que je m'imaginais qu'il y avait quand même un aspect un peu effet de halo sur certaines perceptions sur Twitter. Et il y avait des gens qui disaient « Oh là, j'ai de plus en plus de publicités qui sont écrites soit dans des caractères asiatiques, soit dans des caractères arabes ou sur des thèmes vraiment qui me sont trop éloignés, trop exotiques. » J'ai commencé, pour tout dire, Guillaume, moi aussi sur Twitter, à avoir quelques publicités qui n'étaient pas lisible sans traduction, et je commence à me dire que ça sent pas très très très bon d'un point de vue financement sur le plan publicitaire. D'un point de vue ciblage surtout, hein, parce que si c'est pas quelle langue tu parles, ça commence mal. Bah c'est ça, voilà, c'est, à mon avis ça montre une certaine forme de désarroi dans l'organisation. Alors, je sais pas ce que pensent les annonceurs des publicités quand ils voient que leurs publicités sont diffusées dans des proportions comme ça, mais bon, enfin ouais, écoute. On continue à parler argent, Guillaume, j'aime quand on parle oui. argent. Parlons FT encore un petit peu plus. Ouais, bah le scandale FTX, au moins, ça prend des proportions politiques, je veux dire, par de scandales politiques, hein, évidemment. Ne vous inquiétez pas, je vais pas vous raconter toute l'histoire de la faillite de cette bourse aux crypto, hein, mais de son fondateur. Bien parti pour faire passer Bernard Madoff pour un scoot de France, donc ça, c'est pas mal. Sachez simplement que donc, son patron, Sam Bankman-Fried, SBF, pour les intimes, avait l'habitude d'arroser les hommes politiques. Épisodes, si vous voulez... Excuse-moi, je te coupe, mais juste pour dire à ceux qui nous découvriraient sur cet épisode, si vous voulez en savoir plus, il y a les précédents épisodes de Tech Café où on vous en parle en détail. Guillaume vous a tout expliqué déjà. Exactement, donc c'était un grand donateur politique. Il a arrosé la campagne de Biden, par exemple. Et, mais bon, pas seulement. Hein, donc voilà. Mais de toute façon, ils sont pas fous chez FTX. Hein, si le patron, donc SBF, donnait plutôt démocrate, le co-PDG Ryan Salamé lui donnait plutôt côté républicain. Voilà, une histoire d'œuf et de panier, hein, tout ça, je suppose. Quoi qu'il en soit, en mars dernier, le SEC avait comme projet de regarder un petit peu comment ça se passait chez FTX. Eh bien, figurez-vous que 8 membres de la Chambre des représentants se sont lavés comme un seul homme pour fustiger la STC, écrire une lettre ouverte pour dénoncer un zèle régulateur qui paralyserait l'innovation. Détail cocasse, au moins 5 des 8 gars ont profité des largesses de FTX. Un des signataires, qui s'appelle Ted Budd, a reçu un demi-million de Ryan Salamé. Ton Emmer, un autre signataire, a reçu, via le comité républicain du Congrès, plus de 3 millions de FTX en tout. Il y a Coinbase aussi, d'ailleurs, hein, qui aurait contribué aux campagnes de ces blockchain aides, comme on les appelle désormais. Bon, la SEC, du coup, a abandonné son projet le 11 novembre, FTX s'effondrait, en laissant un trou de plusieurs milliards. Bon, voilà, SBF devient un des personnages de la finance les plus sulfureux, et très logiquement, Amazon projette d'en faire une mini-série. Évidemment. Après tout, il y a eu un truc sur Terranos, un truc sur WeWork. Bon, on va dire, il faut reconnaître qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut avec SBF1. Tech, sexe, pognon, célébrité, arnaque à des milliards de dollars. Et tout ça en colloque aux Bahamas. Franchement, je vois pas. Tu vois. Donc, c'est les frères Rousseau qui vont s'atteler à la qui vont s'atteler à cette tâche-là. Hein. Ça va pas être simple. C'est encore très tôt en plus. Hein. Il y a d'autant peu de documents que les patrons de FTX n'écrivaient rien, ne consignaient rien, ce qui est un énorme problème. Et je pense d'ailleurs que de nombreux scandales et de nombreuses conséquences sur les cryptos sont encore à venir. Encore cette semaine, BlockFi venait de partir en faillite aussi. D'ailleurs, je crois qu'ils attaquent FTX en justice pour un autre truc, je sais plus. Donc peut-être vaudrait-il mieux attendre un petit peu pour faire un film qui sortira en salle comme les 12 ou 15 autres que va produire Amazon, spécialement pour le cinéma, puisqu'il va investir 1 milliard de dollars pour c'est des films ça. En salle. C'est fou. Alors c'est pas eux qui ont racheté une chaîne de ciné, Guillaume ? Si, il me semble. D'ailleurs, ça a fait monter les actions de plein de compagnies de cinéma qui ont pris entre 5 et 10% d'un coup. Et oui, Amazon au secours des cinémas, tu vois, qui l'eût cru ? Ben ouais. Mais c'est vrai que j'aimerais retrouver le nom du réseau qu'ils avaient racheté et on en avait parlé à l'époque. On clôture cette rubrique argent peut-être, Guillaume, parce que tu voudrais nous parler d'un constructeur automobile qui met à disposition la totalité de sa technologie dans ses véhicules, mais qui te permet de vraiment les utiliser pleinement que si tu payes des options. Et non, je ne parle pas de Tesla. Alors, je sais pas, vous aimez les abonnements ? Non, vous aimez ça. J'adore ça. S'il y a bien un truc que j'adore mon quotidien maintenant, Guillaume, c'est de me rendre compte de tous les abonnements que j'ai et de me dire lesquels je vais pouvoir garder, est-ce que je continue à payer pour rien ? J'adore ça, oui. De toute façon, il faut s'abonner à tout maintenant, même à l'appli météo. Et sur ta voiture aussi, ça arrive. Quelle merveilleuse nouvelle. Alors, BMW a essayé déjà de vendre un abonnement de $80 par an pour pouvoir utiliser Android Auto ou Apple CarPlay, puis après un abonnement de $18 par mois pour les sièges chauffants, et oui, je rigole pas, c'était l'été dernier, pourtant ça avait fait froid dans le dos. Mais c'est pas le seul. Volkswagen, Toyota, Audi, aussi, hein, ils expérimentent des abonnements pour leurs assistances à la conduite, ou des assistants vocaux, des gadgets un petit peu à l'intérieur. Et malgré le fait que au moins 3/4 des personnes interrogées ne paieraient jamais pour s'abonner à une fonction de leur véhicule, ben, il continue, et Mercedes même est allé peut-être encore plus loin, puisqu'il vient de lancer un abonnement cher, le plus cher sans doute, hein, pour ces Mercedes EQ, EQE, EQS, c'est $1,200 pour libérer une puissance que la voiture a déjà, $1,200 par an. C'est un abonnement ? $1,200 par an, je crois. Oh la vache ! En temps normal, ta voiture est donc tout simplement bridée. Et si tu casques, tu gagnes 24% de couple et presque une seconde sur le 0 à 100 km/h. Donc les constructeurs automobiles font aussi face à une baisse du chiffre d'affaires, en fait, un peu comme les constructeurs tech. Donc ils veulent faire plus de pognon, et il faut dire qu'en tech, ça marche plutôt pas mal les abonnements, en fait. Hein. C'est quand même les revenus récurrents, tout le monde a droit. Est-ce que c'est la meilleure manière ? Je sais pas. Moi, ça me paraît évidemment totalement absurde et inadmissible, mais finalement, on va savoir. On a tellement vomi sur les premiers DLC, je sais pas si tu te souviens, fameuse armure de cheval dans Oblivion, c'était il y a 10 ans en fait. Je m'en rappelle pas des débuts, mais oui. Non, c'était 2000, je crois que c'est 2013, Oblivion. Et bon, regarde le bordel que c'est maintenant les DLC. Est-ce que ça va prendre cette tendance scandaleuse ? C'est difficile à dire, on verra, hein, mais on avait déjà des constructeurs qui nous mettaient à disposition leurs appareils, comme je le disais, y a Tesla qui te permet d'activer des options matérielles qui sont présentes physiquement dans le véhicule, moyennant le fait que tu passes à la caisse. C'est déjà finalement hyper déroutant, un peu discutable, et puis c'est très très loin de notre conception à la base du fait que t'achètes un truc et juste... t'en profites, c'est déjà déroutant. Mais là, d'avoir en plus des systèmes d'abonnement, on suivra ça pour voir si ça prend ou si ça ne prend pas. Dites-nous en tout cas dans les commentaires si jamais c'est quelque chose qui vous convainc ou si jamais ça vous horripile. Je suis curieux d'avoir votre retour. En attendant, on va passer à une autre rubrique. On va parler d'intelligence artificielle, à commencer par l'intelligence artificielle qui aide à déployer de la mobilité, notamment de la mobilité autonome. Et il semblerait qu'il y ait encore des problèmes à régler. Guillaume, c'est pas gagné sur ce plan-là. Les voitures autonomes continuent à avancer à petit régime quand même. Waymo a demandé un permis pour lancer son service de taxi totalement autonome à San Francisco. C'est quand même une zone urbaine super dense où la conduite ça doit pas être super facile tout le temps. Pourtant, Waymo, il est qu'un tout petit tour de roue de réaliser le rêve d'Uber, c'est avoir des taxis mais sans chauffeur, donc sans syndicat, sans pause café caca clope, et ça c'est quand même super. En Corée du Sud, c'est la peau des chauffeurs de bus qu'on veut d'ailleurs, puisque Séoul a inauguré sa première ligne de bus totalement autonome avec un nouveau véhicule. qui ressemble vraiment à un gros jouet, mais qui se balade quand même tout seul, enfin, tout seul, non, il y a beaucoup de gens dedans, d'ailleurs, mais il se balade dans toute la ville, sans aucun chauffeur. Bon, il a été conçu pour être peu cher, d'ailleurs, et très modulaire, pour être facile à produire en série. Bon, la vraie raison pour laquelle on veut des machines qui prennent la route, en fait, c'est tout simplement parce qu'on conduit mal. Voilà, tous autant qu'on est, on conduit mal. Bande de blaireaux. D'ailleurs, prenez les bouchons. Souvent, la circulation ralentit et se bloque sans aucune raison. Enfin, si, et s'il y a une raison, c'est parce que vous conduisez mal, de manière impulsive et non rationnelle. Vous accélérez quand il y a de la place, vous freinez trop tard, vous créez des accordéons qui finissent par étrangler le trafic et créer des bouchons totalement artificiels. Très bon, pas de contestation. Très bon épisode de Fulloscopie, d'ailleurs, hein, sur ce sujet. De toute façon, YouTube, voilà, ne contestez pas. Il y a même un gars qui s'appelle Alexandre Bayen qui est à Berkeley et qui le dit lui, et lui il est au courant. Il en a vu des voitures passer, hein, ils ont organisé un projet où il y a une portion d'autoroute avec 300 caméras 4K qui a permis de déterminer avec précision ce qui fait qu'un sac à viande au volant perturbe la soyeuse fluidité de la circulation. Alors, il y a même une étude menée en 2016 d'ailleurs où il y avait 20 voitures qui avaient quand même réussi à créer des ralentissements sur un circuit de course. La bonne nouvelle, c'est que l'IA peut nous sauver des bouchons. Un seul véhicule qui a un comportement approprié, c'est-à-dire non humain, suffit à réduire les congestions et au passage aussi à réduire de 40% la consommation d'essence. Donc le but, c'est de déployer un maximum de voitures avec des assistances à la conduite qui savent piloter plus intelligemment que vous, pour compenser tous les sacs à viande motorisés qui restent sur les routes tout autour là, et qui emmerdent le monde. Donc les IA connaissent les conditions globales du trafic, et pas seulement ce qu'il y a à 10 mètres autour, et elles conditionnent donc leur vitesse et leurs accélérations pour éviter les effets d'accordéon, inciter les autres voitures aussi à adopter des vitesses adéquates, et elles se coordonnent entre elles en plus, alors que la plupart du temps, c'est vrai que bon, les communications entre deux automobilistes, c'est souvent des insultes et des majeurs sortis par les fenêtres, mais bon. Oui, souvent. Ça c'est clair, il suffit de prendre un tout petit peu la voiture quelques minutes en ville et tu te rends compte de ce que ça représente. Au passage, peut-être pour être complet sur ce sujet, on a Tesla qui a ça y est ouvert en bêta sa fonction de FSD, donc de full self-driving, donc de conduite autonome totale, à voir dans les faits ce que ça donne, mais en tout cas ça avance un petit peu de ce côté-là aux États-Unis. En tout cas, on continue sur les algorithmes qui rendent intelligents nos objets du quotidien, et à défaut d'avoir des voitures, on a des robots chiens qui gagnent en autonomie et notamment des capacités de se déplacer avec, bah oui, justement, plus d'autonomie et des méthodes qui ne reposent plus sur des cartographies, Guillaume. Ouais, des nouveautés robots, puisqu'on y est, c'est les robots chiens. C'est allons-y. Comment ? Non, je disais avec beaucoup d'enthousiasme, allons-y. Oui, allons-y. Mais... Les robots chiens comme Spot, par exemple, bon voilà, c'est banal maintenant, hein, on serait à peine surpris si la mamie d'en face allait promener avec un petit imperméable rose. Mais bon, faut savoir que la plupart des robots clébards comme ça, et des robots en général qui se baladent avec aisance, avec une aisance apparente, ont quand même besoin de pas mal de données, en particulier des données 3D, qu'elles soient précalculées ou chopées au lidar. Donc, ce qui est intéressant avec le chien d'Ananier Agarwal, donc qui travaille à Carnegie Mellon University, c'est à Pittsburgh, c'est qu'il s'oriente simplement avec une caméra, et c'est tout. Il utilise les données visuelles, bah, un peu comme nous, en fait, hein, c'est ce qu'il voit, et puis voilà, bon, évidemment, il a tous les capteurs de ses pattes et tous les capteurs d'équilibre, mais sinon, il utilise que les données visuelles. Et pourtant, il marche comme les autres, sur des terrains irréguliers, des escaliers, c'est une grosse avancée parce que ça rend le robot plus léger, évidemment, beaucoup moins cher, beaucoup plus simple à fabriquer, et il nécessite moins de données pour fonctionner, moins de données, disons qu'il faut le fournir à l'avance, quoi. Donc ça augure de robots qu'on pourrait lâcher dans la nature, littéralement, en fait, hein, qui se débrouillerait tout seul pour y marcher en faisant attention à pas glisser sur des glands. Et c'est traître, les glands. C'est l'ennemi du robot, le gland. Glisser sur un gland, c'est terrible, il n'y a pas plus fourbe qu'un gland. Bon, remarquez aussi que se baser sur des données visuelles, c'est un petit peu, voilà, je veux dire, c'est compliqué, mais c'est un petit peu une piste d'avenir, parce que dans un registre un petit peu différent, on a MindDojo, qui est l'IA qui joue à Minecraft de Nvidia, qui vient de recevoir un prix à la conférence NeurIPS 2022. NeurIPS, c'est Neural Information Processing System. On en avait parlé en juin, je crois, de MindDojo. C'est une IA qui a appris à jouer comme tout le monde, en fait, hein, c'est-à-dire avec des wikis, en regardant des tutos YouTube. Juste, elle en a regardé vraiment beaucoup, des tutos YouTube. Elle en a regardé 730 000. Oui, parce qu'il est un petit peu lent à la comprendre, le dojo. C'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, mais bon, maintenant, il sait faire. Et tu peux lui demander en toutes lettres, via un prompt, là encore, hein, de faire des actions pour toi, comme construire une base, miner du diamant ou massacrer des villageois. Bon, je sais ce que vous pensez. Vous allez encore dire un petit pas de plus fait vers Black Mirror. Je sais, j'ai vu aussi cette actu à San Francisco qui veut permettre aux robots d'utiliser la force létale. Donc, si tout va bien, effectivement, l'an prochain, on pourra être tué par un robot par la SFPD, quoi, la San Francisco Police Department. C'est pas mais en cas de force autonome, majeure. Pour le coup. Mais voilà, après, il faut relativiser. Les robots dont on parle ne sont pas du tout autonomes, effectivement. Ils sont tous télécommandés, ce qui fait plus d'eux des drones. Essentiellement, ce sont des drones. Ce qui est hyper rassurant, en fait. Ben, on dira ce qu'on voudra, mais tuer des gens avec des drones, c'est tout ce que tu veux, mais c'est pas nouveau. Donc, oui, au point ça, où on en est, je sais pas. Ben oui, oui, je veux dire. Puis, bon, allez, c'est le sens de l'histoire. Les machines sont prêtes. Il faut voir le fusil d'assaut qui est monté sur un robot talon de la photo dans l'article. Il est charmant, ce fusil d'assaut. C'est même presque mignon, d'ailleurs, quand on sait que Talon, qui est aussi utilisé par la police, mais aussi par l'armée, peut être équipé d'un lance-grenade ou d'un calibre 50, soit une munition d'un diamètre de 12 mm 7 et de presque 10 cm de long. Au-delà, c'est simple, c'est un canon, hein, donc voilà. Donc ouais, c'est rassurant. C'est très enthousiasmant, la modernité est là pour nous accompagner. On continue aussi à parler un petit peu de nos myriages, Guillaume. C'est vraiment un sujet, là, cette nomenclature de comment on doit les appeler avec le mot myriage, qui a fait l'objet encore de petites discussions sur Patreon, sur Discord. C'est cool de voir que ça continue à susciter votre intérêt, la nomenclature. Comment est-ce qu'on doit les appeler, ces services qui vous permettent de créer des images, entre autres, hein, sur la base de vos instructions texte. Et Guillaume, du nouveau, du côté de Stable Diffusion, version 2. Effectivement, il y a du nouveau, la version 2, effectivement. De toute façon, après toutes ces violences, on a besoin de réconfort, on ne sait plus à quel sein se vouer, et donc Stable Diffusion non plus trop, d'ailleurs. Alors, Stable Diffusion donc, passe en version 2, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça suit des réactions passionnées. De base, la version 2 amène plusieurs améliorations, quand même. Donc, il y a un nouveau modèle de texte, en fait, hein, pour mieux comprendre les prompts. Il y a une résolution native qui passe de 512 par 512 à 768 par 768. Et surtout, il y a plein de modèles différents, dont un qui améliore l'inpainting. En particulier, il y a un modèle qui est capable de prendre en compte la profondeur de la scène. Il y a aussi un nouvel upscaler de meilleure qualité, et le modèle a été réentraîné 2.0. D'ailleurs, c'est là que les passions se déchaînent, parce que clairement, le dataset a changé pas mal, et il contient beaucoup moins de jolies poitrines, déjà, de célébrités aussi, et d'artistes que le précédent. En tout cas, c'est assez clair. Enfin, en tout cas, il existe, d'ailleurs c'est dit explicitement en fait, hein, les quelques pourcents de contenu, alors porno érotique, not safe for work, qui traînaient dans le dataset ont été expurgés. Ça a été dit, et manifestement, les artistes qui ont été véhéments sur la présence dans les données ont aussi été entendus. Il suffit d'essayer de mettre Rutkowski dans le prompt pour se rendre compte que ça donne pas du tout la même chose. Beaucoup dans la communauté considèrent que le modèle a été nerfé, et c'est d'une certaine manière, c'est pas faux. Alors, j'ai testé vite fait, et en effet, le modèle donne pas du tout les mêmes choses pour les mêmes prompts. Et d'ailleurs, en gardant le même prompt, donc à prompt constant, c'est presque toujours moins bien. Alors, c'est plus difficile de générer de belles images, avec ou sans gros sein, hein, je veux dire, ça n'a rien à voir. Sur la version 2, c'est plus difficile, parce que c'est plus difficile d'invoquer des artistes qui donnent de beaux résultats. Ouais, et apparemment, le modèle ne comprend pas les prompts exactement de la même manière, donc il faut réapprendre à utiliser le truc, j'ai l'impression. D'ailleurs, je pense qu'il faut interroger le nouveau clip, qui est OpenClip, pour savoir qu'est-ce qu'il attend, parce que c'est pas du tout évident. Après, le modèle est peut-être un peu meilleur dans le rendu photographique, donc il semble meilleur avec les visages un petit peu, et pour certains concepts comme à côté d'eux ou dedans, par exemple, il comprend mieux si tu demandes une souris dans un bocal, ben il va te mettre la souris dans le bocal, il va comprendre le truc, alors qu'avant c'était pas si évident. Donc j'ai l'impression que c'est un petit peu meilleur de ce côté-là. Bon, mes tests pas extensifs, hein, sur des prompts plus artistiques sont assez décevants par contre, parce que de Giger à Mucha en passant par Kincaid, il n'y a rien qui va, quoi. Donc je ne sais pas trop si j'ai mal écrit, si je ne le dis pas comme il faut, ou s'il ne sait plus faire, je ne sais pas. Mais bon, l'image qu'il y a dans le conducteur a été générée par Stable Diffusion 2.0. Donc il n'est pas si mauvais que ça. Est-ce que tu l'avais remarqué ? Non, pas du tout. Tu n'avais pas remarqué que c'était une image générative, une image générée ? Non. Honnêtement, pas du tout. Eh ben, c'est un myriage. Alors, c'est un myriage, je me suis pas trop emmerdé. Hein, donc, ça se voit assez vite, en fait, si tu regardes les mains. Et si tu regardes un petit peu les drapeaux qu'il a tenu à faire en fond, c'est pas si terrible. Mais bon, c'est une image générée. Donc, bon, il est quand même pas trop mauvais sur la. Il y a des images pas trop mauvaises en photographie. Mais voilà, ça doit être réapprivoisé. Et peut-être qu'elle pourra jamais donner des trucs aussi jolis que la Boissin, que je sais pas. Je pense que les Anything V3 et les 1.5 vont rester encore un moment sur les disques durs. Forcément. Bon, la version 2 est arrivée relativement tard et expurgée. Est-ce que ça devait pas arriver, quoi, tu vois, Stable Diffusion, c'est un modèle public, donc il se doit d'avoir la surface d'attaque la plus faible possible. Et en l'état, le modèle, il était très cool, hein, avant, mais c'était aussi une usine à procès potentiel. Que ce soit pour des droits d'auteur, pour des images explicites non consensuelles, le fondateur lui dit lui-même, hein, un modèle open source ne peut pas contenir à la fois des images d'enfants et des images porno. C'est pas possible. Donc le dataset de Stable Diffusion a subi un gros ménage qui change beaucoup ce que produit le modèle et qui change aussi la manière dont on l'utilise. Donc en gros, tu mets Rutkowski ou Art Germ, c'est plus un raccourci vers une belle image. Ça, apparemment, ça a l'air plus ou moins fini. Mmh. Et donc, peut-être que ça a été un peu trop expurgé. Je ne suis pas sûr que le modèle soit aussi mauvais qu'on puisse le lire parfois, par rapport à la 1.5. Mais il semble plus difficile de faire des belles images. Et bon, voilà, pour le moment, en tout cas, ça a l'air plus compliqué. Est-ce que c'est une version de transition, une sorte de base, qui servira pour d'autres versions, disons, mieux calibrées? Parce que le but avoué de Stability AI, c'est quand même de rattraper Midjourney. Et là, pour l'instant, c'est pas du tout gagné, il faut quand même le dire. Mmh. Et l'autre but, presque avoué, c'est aussi de déplacer la responsabilité de la boîte sur l'utilisateur final. En gros, si tu fais des gens tout nus, c'est toi qui vois. S'il y a des problèmes, c'est pour ta pomme. Stable Diffusion possède déjà, pour les versions d'avant, des modèles fine-tunés pour divers usages. Hein, et Mostaki a explicitement dit qu'ils allaient travailler pour rendre la personnalisation des modèles plus facile d'accès. Donc le message est clair, en gros, on vous fournit la base la meilleure, enfin en tout cas la plus aseptisée possible, avec voilà, techniquement la meilleure possible, et après, vous offrez bien ce que vous voudrez. Donc voilà, pour le moment, la prudence de Stable Diffusion semble pas très bien passée dans la communauté, hein, le nouveau modèle étant perçu comme une régression. Ça peut se comprendre, c'est fâcheux aussi parce que voilà, la boîte doit se protéger sans s'aliéner ses utilisateurs, donc c'est vraiment un exercice pas facile. Je suppose que dans son côté, Midjourney doit avoir les mêmes soucis. Pour l'instant, ils s'en sortent plutôt bien, que je sache en tout cas. C'est hyper intéressant de continuer à suivre ces évolutions autour de ces algorithmes et un point qui risque de très très vite s'imposer dans notre conducteur, c'est les évolutions un petit peu hein, qui vont arriver derrière, notamment en matière d'animation. Et justement, tu nous as concocté dans ta veille, tu nous as dégoté plutôt une démonstration assez impressionnante de déclinaison d'images générées comme ça par intelligence artificielle pour les mettre dans plusieurs situations et notamment aussi d'avoir des restitutions animée, ce qui risque d'encore plus faciliter et de démocratiser les usages, parce que quand tu commences à avoir une base commune que tu peux décliner dans plein de situations, j'imagine que ça rend encore plus le service utilisable. De quoi s'agit-il, Guillaume ? Disons que puisqu'on parle de Stable Diffusion, j'ai vu deux applications, deux usages qui sont quand même très prometteurs du logiciel. Et alors le premier répond à la problématique d'avoir un personnage synthétique, donc qui est généré par un myriage, on va dire, qu'on puisse utiliser comme un acteur. Donc tu peux penser créer un personnage pour une BD, pourquoi pas des vidéos un jour, mais qui reste cohérente de scène en scène, et que tu puisses invoquer dans toutes les situations avec un mot-clé, quoi. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque quand tu génères quelque chose, tu te heurtes à chaque fois au fait que l'algorithme régénère et repense l'instruction. Donc c'est difficile d'avoir une cohérence dans le temps. C'est ça, à moins que tu utilises le visage de quelqu'un qui est connu par le logiciel, c'est-à-dire d'une actrice ou d'un acteur que le modèle connaît bien, ben c'est pas possible de garder les mêmes traits d'image en image. Donc la solution, c'est de fournir des photos de ta tronche ou de celle d'un vrai Jean qui sera intégré au modèle. Et même là, qui pourrait servir de personnage. Mais là, en fait, on peut faire encore des plus détails, fort. Ça marcherait pas toujours bien. Mais bon, bah pardon. Si, ça marcherait mieux. Mais disons que là, on peut faire encore plus fort en prenant quelqu'un qui n'existe pas. En fait, on peut commencer par générer un beau visage de toute pièce. Tu génères le visage que tu veux, qui te plaît. Et ensuite, tu appliques des expressions faciales à ce visage synthétique en utilisant une vidéo de toi. Donc, on peut prendre 30 secondes de vidéo de ta tronche qui fait toutes les mimiques possibles sur en gros à 180 degrés avec ton smartphone. Et un algorithme d'intelligence artificielle, un autre, qui va produire des variations du visage synthétique avec les émotions que tu as données. Et ensuite, il suffit de faire un fine-tuning de Stable Diffusion avec ces images pour les réintégrer dans le modèle. Et ensuite, on peut l'invoquer avec un mot-clé dans le prompt. Et donc, avec ça, on peut faire une BD, par exemple, avec des persos cohérents d'image en image. On peut même évidemment les animer, etc. Donc, il y a un énorme potentiel là-dessus. Et alors pour le jeu vidéo aussi, hein, pourquoi pas. Et d'ailleurs, en parlant de jeu vidéo, la deuxième application que j'ai vue qui a un potentiel de malade, elle vient de Scotty Fox, qui a utilisé Stable Diffusion en VR. Alors, c'est en VR, mais en fait, le potentiel dépasse totalement la VR en réalité. Ce qu'il a fait, c'est prendre un logiciel qui fait des rendus 3D d'appartements, enfin, tu vois, qui prend des rendus 3D d'appartements, et qui en fait une scène à 360 degrés dans laquelle tu peux te balader, tu peux regarder à 360 degrés, tu vois, comme des photos à 360 que tu peux regarder en VR, mais aussi avec ta souris hein, sur ton écran. Donc, il a pris des scènes d'intérieur et d'extérieur assez simples, assez neutres, on va dire, voilà, et puis il a intercalé Stable Diffusion. Avant le rendu à 360 en mode image to image. Donc concrètement, ce qu'on voyait dans le casque, c'était donc l'appartement neutre qui était changé par un prompt, transformé en mode renaissance, ou l'extérieur transformé en mode post-apocalyptique avec des plantes partout. Et le rendu se faisait par petits morceaux en temps réel. Concrètement, tu visitais en 3D une scène qui n'a pas vraiment été rendue, mais disons qui a été habillée par Stable Diffusion. Donc imagine le potentiel que ça peut avoir pour les jeux vidéo en particulier. À l'heure actuelle, le DLSS utilise le deep learning pour imaginer des pixels. Imaginer les pixels qui manquent à la scène. On rentre dans une résolution inférieure et après, on extrapole les pixels. Mmh. On peut aussi extrapoler les images entre deux images. Mais là, évidemment, ça va plus vite puisqu'on n'a pas à calculer tous les pixels ou toutes les images. Mais avec ce que fait Scotty Fox, on pourrait carrément imaginer de ne pas avoir à calculer ni même à stocker tous les polygones ou toutes les textures. Imaginez une scène de jeu vidéo dont on aurait à modéliser seulement les grandes structures, en gros les murs, les fenêtres, les meubles, évidemment les objets interactifs, et ensuite on donne un prompt, on donne une seed, et l'IA elle habille tout ça, avec tous les détails nécessaires, photoréalistes éventuellement. Ça pourrait être une sorte de DLSS 4 ou 5 ou 6, tu vois, donc on pourra aller beaucoup plus loin qu'extrapoler juste les pixels. Alors évidemment, il faudra des cartes graphiques qui puissent rendre tout ça en temps réel, de manière fluide, avec des modèles qui soient cohérents, enfin qui soient plus cohérents, on va dire, au niveau temporel, etc. Mais peut-être qu'on va progressivement encore plus déporter le travail des unités 3D aux unités IA dans les prochaines années, même pour le rendu des jeux vidéo. Ce qui pourrait du coup donner des expériences très différentes d'un joueur à l'autre, finalement, potentiellement. Ça, c'est rigolo de voir que ça va peut-être évoluer dans ce sens-là. On continue aussi avec les algorithmes. Et c'est souvent quand on parle de génération d'images avec de l'intelligence artificielle qu'on peut embrayer rapidement. Ça va être le cas une fois de plus, mais sur ces algorithmes qui aident un petit peu à la génération de code, Guillaume, de code informatique. Bon oui, de toute façon, on va conclure la section en parlant un peu de modèles de langage, du coup, qui savent tout faire, en fait, hein, et même coder, effectivement. D'ailleurs, dans ce domaine, il y a eu une vie avant Copilot. Hein, donc c'était dès 2014, il y avait Kite. C'était un assistant de codage qui tournait en local. Alors Kite avait tenté de se monétiser assez tardivement, à partir de 2019, mais c'était déjà trop tard d'ailleurs. Finalement, Kite va fermer. 5 ans après, alors. Et passe en open source, ouais. Alors Kite, ça supportait 13 langages de programmation. C'était beaucoup moins ultra ambitieux que Copilot. C'est resté dans la complétion, quoi. C'est juste beaucoup plus intelligent que ce qui se faisait avant, mais il ne te faisait pas des blocs entiers où tu demandais une fonction, il te faisait le bloc entier. Mais c'était peut-être suffisant d'ailleurs, parce qu'au moins il n'y avait pas de risque de procès, tout ça, bon, on va voir. Et puis il n'y avait pas de risque de créer Skynet non plus, hein, parce que, ou une IA dotée de folie meurtrière, parce que il y a un autre projet de Google qui est assez énigmatique et qui est presque un peu trop science-fiction pour être honnête. Je ne sais pas exactement ce que c'est ni comment le prendre, mais. C'est une rumeur, d'ailleurs, qui a été relayée par Business Insider. Donc on parle d'un certain projet qui s'appelle Pitchfork, qui est né chez Alphabet X et qui est passé chez Google Labs cet été. Donc passé chez Google Labs, normalement c'est une promotion. On sort des projets farfelus et on rentre dans les projets qui pourraient un jour devenir des vrais produits. Mmh. Ou alors devenir des vrais produits et quelques mois, puis être assassiné rapidement et enterré au fond du jardin. Mais bon, ça c'est Google. Ça arrive. D'après Insider, le projet serait de, je cite, « apprendre au code à écrire, à se réécrire lui-même ». Alors je sais, ça sonne beaucoup trop comme une singularité, mais a priori, ça n'a rien à voir. Ça démarre assez doux, puisque le but initial, c'était de mettre à jour une base de code écrite dans une version de Python, je sais pas moi, la Python 2.5, dans une autre version de Python, donc de Python 2.5 à Python 3.10 par exemple, mais automatiquement. Alors, il semble que ça a évolué vers quelque chose de plus généraliste qui puisse faire évoluer une base de code en ayant le moins possible recours à des codeurs humains. Ça reste vague, mais ça a l'air quand même assez chaud, donc je suis très très curieux de voir ça plus en détail, parce que je vois pas trop ce que ça peut donner. Les modèles de langage, c'est un truc extrêmement chaud aussi, hein, même si c'est moins graphique que Midjourney et compagnie, tu vois. C'est super impressionnant quand même aussi. La semaine dernière, on parlait effectivement de la performance de Meta qui avait créé une IA capable de jouer et de gagner à Diplomatie. Diplomatie, c'est un jeu qui nécessite de se parler, hein, au moins via un chat. Et d'ailleurs, cette IA, elle s'appelle Cicéron, et elle contient en fait deux modèles. Elle contient un modèle d'apprentissage par renforcement, pour les règles du jeu, et un modèle de langage, pour pouvoir parler aux humains, et comprendre ce qu'ils disent, évidemment. Et les manipuler, exactement. Donc, alors Cicéron, il n'a pas un discours toujours parfait, parfois il dit des trucs bizarres, parfois il se contredit, mais enfin... Il a quand même réussi à inspirer confiance à des humains qui s'allient à lui avant qu'éventuellement ils ne les trahissent sans aucune pitié. Cicéron a été dans les 10% meilleurs sur 40 parties online qui impliquaient 82 joueurs humains, des joueurs qui n'avaient pas du tout conscience de jouer avec une intelligence artificielle. Alors c'est sûr, hein, avec tout ça, on attend avec impatience GPT-4, évidemment, puisque GPT-3 est une véritable star, hein, mais c'est aussi une mamie chez les IA, puisqu'elle a 2 ans déjà, rendez-vous compte. Et donc, si on en croit Igor Baikov sur Twitter, GPT-4 devrait sortir entre décembre et février. C'est pour ça que je le mentionne assez rapidement comme ça. Ça devrait être un truc énorme. Je suis curieux de voir à quel point il est vraiment différent du 3, parce que, question de dataset, le 3 avait déjà fait très très fort. Hein. Il avait été entraîné en gros sur une énorme partie d'Internet, presque, voilà, je sais pas, plus ou moins tout, quoi. À tel point d'ailleurs que il y a des experts qui commencent à dire que si on continue comme ça, à aspirer et à entraîner sur des volumes de texte aussi importants, en 2026, on pourrait ne plus avoir de sources de texte supplémentaires pour entraîner de plus gros modèles. Enfin, en tout cas, plus de sources de bonne qualité, comme des livres, des cours, des choses comme ça. Donc en gros, soit on arrive à saturer les trucs avec des contenus de bonne qualité, soit il faudra lui donner à manger des contenus de moins bonne qualité. Donc ça veut dire qu'il pourrait devenir de plus en plus talentueux, mais de moins en moins intéressant et qualitatif, quoi. Je sais pas. En tout cas, il est possible que les prochaines sources soient Reddit ou des forums ou je sais pas quoi. C'est ça, ou faire des modèles plus efficaces d'ailleurs. On verra ce dont GPT-4 sera capable. Je me réjouis. Merci Guillaume pour cette rubrique intelligence artificielle. Et puis on va conclure pour ceux qui aiment bien avoir un petit peu d'actualité autour des jeux vidéo à se mettre sous la dent. C'est tout trouvé. Il y a quelques points saillants dans l'actualité tech sous l'angle des jeux vidéo qu'il faut qu'on souligne. Notamment l'acquisition de Blizzard Activision par Microsoft, qui continue à faire les sujets un petit peu d'actualité, mais aussi de doute en fait. Plus le temps passe, plus on se demande s'il ne pourrait pas y avoir une possibilité que ça capote finalement, Guillaume. Il faut dire que Microsoft n'en finit pas d'être harcelé sur son acquisition d'Activision Blizzard, le pauvre. Après la CMA anglaise, l'Union européenne, c'est la FTC qui lancerait une enquête le mois prochain, selon Politico. Bon, en attendant, Sony est à fond, lui, pour tenter de faire capoter le futur deal, et il ménage pas ses efforts pour étayer sa thèse selon laquelle Microsoft veut étouffer la concurrence à petit feu, voilà, comme un piton, on serre sa proie doucement et l'avale tout rond pour la digérer pendant des jours. Et au passage, on apprend des trucs rigolos, quand même. Par exemple, Call of Duty est un point d'achoppement entre Microsoft et Sony depuis un petit moment. C'est un sujet sensible, Call of Duty, hein, ça se vend tellement bien, et puis tellement mieux que Battlefield. Et oui, désolé DICE, hein, Sony n'hésite pas à dire la vérité crue, qui fait mal, que Battlefield tente depuis des années de reproduire le succès de Call of sans y parvenir du tout, puisqu'en 2021, il s'était vendu 400 millions de Call of Duty et moins de 89 millions de Battlefield. Moi qui connais pas bien ces jeux, qu'est-ce qui fait la différence finalement selon toi? C'est juste une histoire d'habitude et que voilà, tout le monde est habitué à la référence, ou est-ce qu'il y en a un qui est intrinsèquement forcément mieux que l'autre, plus sympa? Non, je sais pas. Alors attention, je sais pas, comme si j'étais spécialiste Call of Duty Battlefield. Si, t'es un expert. Vas-y, prépare-le. Je suis un expert. Peu, okay. S'il te plaît. Alors en tant qu'expert autoproclamé du Call of, il y a peut-être un effet d'antériorité de Call of d'une part, mais d'autre part, c'est pas exactement les mêmes jeux et les mêmes gameplays. Okay. C'est-à-dire que, enfin, moi, les Battlefield auxquels je pense, c'est des jeux qui ont plus de teamplay, en fait. C'est des jeux qui sont moins... tu vois, Call of Duty, c'est du FPS nerveux, assez simple, tu vois, c'est un truc vraiment... Bon, on va dire plus accessible, on va dire. Alors que Battlefield, souvent, dedans, il y a plus de modes de jeu qui demandent du teamplay, qui demandent une communication, qui demandent une organisation, on va dire. Et c'est un peu différent, quoi. Battlefield, c'est un peu... Je pense que c'est peut-être un peu moins accessible. Peut-être que ça a changé depuis... Voilà, moi, c'est l'image que j'en ai. Ça fait peut-être... ça fait plusieurs années que je n'ai pas touché un Call of ou un Battlefield. Donc, j'ai jamais joué à Battlefield. J'ai joué au dernier Call of Duty il n'y a pas très longtemps, là, chez un ami sur PC. J'ai retrouvé un peu mes réflexes sur Counter-Strike. Je n'étais pas perdu. Je me faisais vite tuer, mais j'arrivais à tuer des adversaires. Et donc, je m'en sortais un peu. Je comprends peut-être ce que tu veux dire. C'est que c'est plus compliqué d'arriver à reproduire ce sentiment de pouvoir en profiter dès le départ avec un Battlefield, peut-être, je sais pas. Bon, pardon. Écoute, peut-être, ouais. Puis bon, voilà, c'était Battlefield, il y avait des champs de bataille plus grands, avec des véhicules, tu vois. Enfin, c'est pas la même ambiance, c'est un petit peu, tout est un petit peu différent. Intéressant. Enfin bon, voilà, donc toujours est-il que, alors ça veut pas dire que l'un soit meilleur que l'autre, mais toujours est-il que Sony, il en a rien à foutre de garder Battlefield, manifestement, il veut Call of Duty, parce qu'il veut le winner, tu vois, il veut pas les seconds couteaux. Alors, je veux dire, j'ai rien contre Battlefield, voilà, de toute façon. Mais bon, toujours aussi dans le dossier de la CMA, on apprend aussi que Sony a peur de perdre l'accès à ce fameux Call of Duty en 2027, juste avant le changement de plateforme, c'est ce qu'ils disent. Donc ça sous-entendrait que la PlayStation 6 serait prévue pour 2028. C'est une date crédible, hein, parce que la PlayStation 5 aurait, c'est vrai, un règne très long, hein, le plus long de l'histoire, de 2020-2028. Cela dit, après 2 ans de pénurie, c'est pas forcément délirant que le truc soit plus long que d'habitude. Mmh. Et puis bon, les PlayStation 5 Pro arriveraient pour 2024, il y a des devs qui seraient chez les devs, alors ce sont des fuites à prendre avec des pincettes toutefois, mais enfin c'est pas non plus complètement déconnant quoi, hein, qu'il y ait une PlayStation 5 Pro. Des tests dans le cadre de la production et de la réalisation, oui, c'est normal. C'est pas non plus, bon, c'est tout à fait vraisemblable. Donc hier, Reuters d'ailleurs avance que Microsoft sera prêt à signer un deal de 10 ans finalement pour Call of Duty afin de calmer un petit peu les esprits. Mais bon, ce qui est toujours rigolo finalement dans ces procès, c'est les arguments des uns et des autres pour tenter de se montrer sous le jour le plus inoffensif possible, avec les acrobaties qu'ils sont prêts à faire pour. Quand Facebook a défendu son accusation de Giphy, il est allé jusqu'à dire que le GIF c'était has-been, que ça intéressait plus les jeunes. En gros, votre honneur, je rachète pour très cher une véritable poubelle. C'est un acte de charité, c'est de la salubrité publique. C'est vrai. Bon, ça n'a pas trop marché, ça n'a pas trop marché. Mais là, Microsoft, c'est un peu pareil. C'est Microsoft qui est pétri de contradictions, mais qui dit que non, en fait, tout est très logique. Déjà, Microsoft essaye de se dépeindre comme un second rôle, comme un débutant dans le monde du jeu vidéo, tu vois, qui peut rien contre la puissance éreintante de la marque PlayStation, tu vois. Sony, il n'a rien à craindre d'un moustique comme Microsoft, qui est totalement inoffensif face au bulldozer nippon, tu vois. La preuve, votre honneur, la Xbox est elle est sur la dernière place du palmarès des consoles. Microsoft n'est qu'à la 7e place sur PC. Il n'a même pas de secteur du jeu mobile du tout. Microsoft, c'est un prolétaire du jeu vidéo. C'est un modeste petit artisan, un travailleur précaire. Et il n'oserait même pas mettre un Call of Duty en exclusivité sur Xbox. Quelle idée, il ne ferait jamais ça. Ok, ils l'ont fait pour Starfield et Redfall. Ils vont le faire pour Elder Scrolls 6. Mais ça n'a rien à voir, votre honneur. On a laissé Minecraft multiplateforme, non ? Bon. Et d'ailleurs, pourquoi ? Bah, c'est très logique, en fait. Voilà. Fallout 76, c'est un jeu de niche. Oui, pour Microsoft, Fallout 76, c'est un jeu de niche. Psychonauts 2 aussi, bon, ça, on s'en serait douté. Et si c'est des jeux de niche, on s'en fout. Si c'est partout, si c'est pas exclusif, c'est pas grave. De l'autre côté, Call of ou Minecraft, il y a une communauté tellement énorme partout que ça fait perdre énormément d'argent si on le garde en exclu. Par contre, des jeux avec des nouvelles IP ou dont le succès est incertain, on les garde éventuellement chez nous, comme Redfall ou Starfield, ou Elder Scrolls 6. Eh bien oui, votre honneur, Redfall et Starfield, ce sont 2 nouvelles IP. Et Elder Scrolls 6, ben on ne sait pas si ça va plaire après tout. Je veux dire, il n'y a pas eu de jeu depuis 10 ans. Alors voilà, le succès de Skyrim, on ne sait pas s'il va avoir du succès. On va savoir, je ne sais pas. Donc voilà, une logique imparable. Je suis sûr que ni la CMA ni l'FTC trouveront quoi que ce soit à redire. Écoute, on verra. Ce qui est rigolo, c'est de voir que Microsoft aussi est prêt à s'engager sur un certain nombre d'années de disponibilité de Call of Duty sur PlayStation. Mais un coup parti, pourquoi pas annoncer Ad Vitam Aeternam. Tu vois, tu peux signer de ton sang que jamais tu le ferais. Je sais pas si ce serait... C'est finalement pétri de contradiction tout ça. Bref, on clôture avec un peu d'actualité autour des GPU, Guillaume, des processeurs oui, graphiques. Oui, bah, des chiffres. Sur un petit peu tout. Alors, les ventes de GPU sont en baisse d'ailleurs, globalement, comme le nombre de livraisons de CPU, de processeurs, c'est déjà en baisse parce que ils se vendent moins de PC, et donc celui des cartes graphiques intégrées baisse mécaniquement puisque c'est intégré au processeur, donc ça c'est normal. Mais du côté des ventes de cartes dédiées, c'est la même chose. On baisse aussi bien du côté d'AMD que du côté d'NVIDIA, de pas être que 48 et 20% respectivement par rapport au trimestre dernier, et du coup, étonnamment, ça renforce encore Intel dans sa position dominante sur le marché de la carte graphique. Puisqu'au c'est sens fou. Large, NVIDIA n'a que 16% de départ de marché, AMD 12%, et Intel est donc l'unique fournisseur de GPU de 72% des PC, de fait. Donc pour ce trimestre, il y a eu la disparition du mining, le contexte économique, tout ça. Donc c'est un petit peu prévu. Pour le prochain trimestre, bon, avec le prix des nouveaux modèles de cartes graphiques, je ne suis pas sûr que ça s'arrange des masses, on verra. Mais bon, le nombre de joueurs de jeux vidéo, puisqu'on parle chiffres, tout support confondu, le nombre de joueurs de vidéo dans le monde a augmenté encore cette année de 4,6% et il passe à 3,2 milliards de personnes. Il y a 3,2 milliards de joueurs sur Terre, dont plus de la moitié dans la zone Asie-Pacifique et seulement 649 millions dans la zone Europe-États-Unis. Il y a 488 millions de joueurs dans la zone Afrique au Moyen-Orient et 315 en Amérique latine. Alors en part de marché, c'est un petit peu différent, puisque le panorama change un petit peu, puisque la partie Asie-Pacifique représente presque toujours la moitié des parts, pour le coup. Par contre, les zones Amérique latine et Moyen-Orient-Afrique sont encore largement en retrait par rapport à la zone Europe-États-Unis, qui représente 18 et 26% au total. Le marché global, d'ailleurs, est en léger retrait. La plateforme principale de jeu, c'est le mobile, 50%. Les consoles, c'est 28%. Le PC, c'est 21%. En 2025, il devrait y avoir 3,5 milliards de personnes qui joueraient à des jeux vidéo et qui dépenseraient dedans 211 milliards par an. Il est loin le temps de la NES. Punaise, c'est clair. Il est très très loin le temps de la NES. C'est quand même des proportions assez folles et je pense que ça amène à voir le jeu vidéo clairement désormais plus comme une niche destinée à des jeunes boutonneux, mais vraiment comme un média qui s'est imposé à une bonne partie de la population. Et c'est très cool comme ça. Merci beaucoup Guillaume pour toute la préparation de cet épisode numéro 299 de Tech Café. C'était un chouette moment, je pense, qu'on a passé ensemble, Guillaume. J'espère surtout que vous avez passé un très bon moment à nous écouter, discuter de tech. Si jamais c'est le cas, je vous invite bien évidemment à aller jeter un coup d'œil sur patreon.com/techcafé. Vous pouvez vous créer un compte en quelques secondes. C'est super facile de contribuer à la hauteur de quelques euros par mois. Vous pouvez plafonner votre participation, la suspendre à tout moment. Mais en tout cas, faire un petit geste pour nous soutenir et vous dire que oui, en 2022, il ne reste plus qu'un mois, vous avez décidé de soutenir Tech Café. Il y a des personnes qui souhaitent arrêter leur soutien assez régulièrement. Et donc, c'est hyper important pour nous, évidemment, d'avoir des personnes qui viennent quelque part les remplacer et reprendre le flambeau. Je vous rappelle que vous pouvez discuter entre vous et avec nous sur le serveur Discord de Tech Café, dont le lien figure dans les notes de l'épisode, et que vous pouvez également commenter sur techcafé.fr dans les articles qui accompagnent la publication de ces épisodes et nous laisser, bien entendu, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez même l'actualiser si c'est déjà fait, un avis sur Podcast Addict ou sur Apple Podcast. Guillaume, si jamais on a envie de plus t'entendre, d'interagir avec toi, de te solliciter plus en détail, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Ah, tu veux savoir comment me retrouver ? Oui, j'aimerais bien savoir comment on peut te retrouver, Guillaume. Bah, ça te coûtera 400 doubloons. Oh, mais ça me fait beaucoup trop cher. Je me suis fait braquer mes doubloons hier, justement. Tant pis, j'essaierai au prochain épisode. Je suis Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr, sur les réseaux sociaux. Vous tapez Guillaume Vendée, il y a à peu près ma tête qui apparaît. Même si les comptes ne sont pas certifiés, ce devrait être moi. Merci beaucoup pour votre fidélité. On se dit rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.